Voici l'humeur de Guillermo Gouet. Oh, bravo. Bonjour Guillermo. Guillermo qui était excellent hier soir sur la scène de la salle Playel. Absolument, je tenais à le préciser. Ah. Oui, c'est toi qui as présenté. Vous êtes bien oui, bon, magistral. Ça s'est pas une vu que j'ai plus. Pas pu venir. Non, ça va. Oui. C'est pas trop, non, mais votre petit mot, c'était très mignon, votre petit mot d'encouragement. Je peux commencer mon histoire. Il serait temps, oui. Je vous en prie. Allez, bonjour les amis. Ça y est, c'est officiel. Donc Barack Obama va enfin pouvoir se consacrer au stand-up. Il était temps. Oui, on sent que président des États-Unis, c'était plus un truc comme ça, parce qu'il faut bien bouffer, mais voilà, sans plus. Au contraire de Trump, qui lui a l'air plus dévoré par la soif de pouvoir. Et à propos de soif de pouvoir, ce qui est bien avec la presse française, c'est que tu apprends toujours plein de trucs sur Emmanuel Macron. En ce moment, tu n'as pas le choix, en fait. Pour lire autre chose que des portraits de lui, tu es obligé d'acheter des magazines de dressage. C'est heureusement qu'il reste des gens pour diversifier les rayons des librairies, quoi. Merci Marc Dorcel. Mais bon, à force de lire des trucs sur Macron, ça me chie pas de plus en plus. Je me dis, comment tu peux avoir suffisamment confiance en toi pour réclamer qu'on te confie la gestion d'un pays, surtout à cet âge-là, quoi. Moi, j'ai 3 ans de moins et je flippe encore quand on doit surveiller l'eau des spaghettis, quoi. Je trouve que c'est beaucoup de pression. C'est vrai, tu dis, t'es inattentif 2 minutes et tu peux oublier tout ce qui est côté al dente, côté croquant, etc. Là, quand t'es président, t'as les côtes du nucléaire, quoi. C'est des villes entières que tu peux mettre en surcuisson. C'est vrai. Je profite d'ailleurs de la présence de Mazarine Perjot pour rappeler qu'un jour, François Mitterrand a oublié les codes du nucléaire dans son veston. J'ai lu ça. Ah bon? Ouais, il faut avoir un sacré culot pour dire désolé, je suis distrait. Et Fukushima, il nous en parle encore. Je crois que je manque de magnésium. Et tu crois tout ce que tu dis. J'ai lu ça et Gérald Ford apparemment a envoyé son veston avec les codes du nucléaire au pressing. Vous imaginez? Donc voilà, c'est un autre truc de fou, quoi. C'est la presse belge. Donc justement, quelqu'un comme François Mitterrand, c'est assez fascinant dans cette quête du pouvoir, dans ce besoin absolu de devenir chef, quoi, finalement. En 65, il dit aux Français, je voudrais vous diriger. Les Français lui disent non, merci, c'est gentil. Alors, en 74, il revient en mode, non, vous avez pas compris, c'est moi qui vais vous diriger. Là, les Français, ils lui disent, non, c'est toi qui n'as pas compris, on t'a dit non, merci. Et là, pour le coup, la France choisit Giscard, pour vous dire le degré d'énervement. C'est comme quand tu prends un râteau avec une meuf et que derrière, elle sort avec Paul Prébois. Quand il t'arrive un truc comme ça, normalement, t'es tellement en déficit de confiance qu'au minimum, tu deviens témoin de Jéhovah, quoi. Tu fais un tour du monde en pédalo, mais tu vois, tu lâches l'affaire de pouvoir. Mais là, non, en 81, il revient encore en disant, c'est moi qui vais vous diriger, merde. Et là, la France qui fait, ça va, c'est bon, ok, pas à peine d'être désagréable, vas-y, dirige-nous, quoi. Comment tu peux être persuadé à ce point que t'as l'étoffe suffisante pour être le leader de dizaines de millions de personnes? Il faut un de ces égos de motherfucker pour se dire le chômage, la croissance, réchauffement climatique, terrorisme, la guerre. Ouais, ça c'est dans mes cordes. Mais ouais, bien sûr. Autant réparer une ampoule et coudre un mouton, là j'ai du mal. Comptez pas sur moi, mais ça, je le sens bien, quoi. C'est vrai, après tu t'étonnes qu'à la fin de son meeting, là, Emmanuel Macron, il essaye d'ouvrir la mer en deux avec sa pensée. C'est vrai. À côté de Macron, Kanye West, c'est Pierre Rabhi, quoi. Franchement, c'est le mec, tellement il s'aime, il a un glory hole dans son miroir. Je veux dire, il faut. Et là, on sent qu'il a le miroir, il a compris. Il faut connaître le mot miroir. Et glory hole. Mais bon, un ego comme ça, ça cache souvent un énorme besoin de reconnaissance, comme je le disais encore hier aux clients du café, qui sont toujours subjugués par la finesse de mes analyses psychologiques. On a tous besoin de reconnaissance. Moi-même, j'ai posté sur Instagram le texto que m'a envoyé Nagui le jour de Noël, quoi. C'est pour vous dire à quel point je suis en chien. Bon, il avait juste écrit OK, parce que c'est lui qui me répondait à mes vœux. Mais enfin, ça m'a fait des likes, ça a rempli un vide, donc je peux comprendre. C'est important de se sentir aimé, mais il faut arrêter de maquiller ça en mission pour la France, quoi. C'est vrai, et ça vaut pour les autres candidats aussi, ceux d'hier aussi du débat. Moi, je trouve que rien que le fait d'être candidat à la présidentielle, ça devrait t'éliminer automatiquement du truc. Ça, c'est, dans n'importe quel film, quand tu veux diriger le monde, tu meurs à la fin parce que c'est toi le mauvais, quoi. T'es le méchant. C'est vrai. Enfin, je veux dire, quand tu vas dans un asile et que tu croises un mec qui te dit, moi, je veux devenir chef de la France entière, tu dis, ouais, c'est ça, mange ton riolet et laisse-nous tranquille, quoi. Tu commences pas à mettre un t-shirt avec sa tronche dans un meeting, quoi. Il faut arrêter. Enfin, bref, voilà, comme d'habitude, je. Sans que ça vous intéresse pas, ce que je vous raconte. Je vais aller parler à mes potes du café, ça les passionne. Oh, allez, bonne émission, les amis. Merci, ouais. Guillaume. France Inter, Nagui, la bande originale.